Bonjour à tous et bonjour à toutes. Le samedi se passe bien ? Il va être très excellent à partir de maintenant, je n'en doute pas. Avec la découverte, ça va le faire, je pense. She's So Divine, du groupe The Limit, vous connaissez ? Le groupe s'est créé au début des années 80 et sera actif jusqu'en 1986. Il est originaire des Pays-Bas. She's So Divine date de 1982. Il fait partie de leurs titres les plus connus avec Say Yeah, sorti en 1985, et va se classer top 7 US. Après leur séparation, Bernard Watt, l'un des membres du groupe, continuera sa carrière en solo en sortant 3 albums. On découvre ça tout de suite. Oh, Dr Biscou et Mr Funk sur Fadjet. On passe aux 100 hits qui ont fait le disco. On va se faire un grand classique que tout le monde connaît. J'ai nommé Patrick Hernandez et son célèbre Born to be Alive. Patrick Hernandez, dans l'histoire du disco, est un cas à part. Avant d'interpréter l'un des singles les plus vendus de l'histoire du disco, il est chanteur et guitariste de Paris Palace Hotel, un groupe de rock sans succès notable, on va dire. À cette époque, il écrit Born to be Alive, version folk. Il va laisser le morceau dans son tiroir le temps que ça mijote un peu. La vague du disco arrive et il va décider d'adapter son morceau. Les mois passent et personne ne s'intéresse à son single. Van Loo, le producteur de Paris Palace Hotel, décide alors de presser lui-même le single. Le succès démarre doucement en Belgique, puis en Italie et enfin dans le monde entier. Ils vont partir à New York auditionner des danseuses, dont la future Madonna, qui fera une audition, mais qui ne sera pas retenue parce qu'elle chantait trop bien, ils avaient d'autres projets pour elle. Finalement, ils ont eu raison quand on connaît la suite. Patrick Hernandez, avec son look de dandy et sa canne, fait un carton. Vous connaissez la suite. Alors, il se dit que le tube lui rapporte entre 800 et 1500 euros par jour, mais ça, c'est pas vérifiable. Alors, c'était en 1979, et ça donnait ça. Aujourd'hui, on va s'intéresser au top 100 des meilleurs albums de funk. Alors, pour la première place, c'est Stevie Wonder avec son Songs in the Key of Life qui a les honneurs. Il sort en 1976. Il s'agit du dernier des 5 albums majeurs qu'il a réalisé au cours des années 70, considéré comme sa période classique. Les précédents étant Music of My Mind, Talking Book, Inner Vision et Fulfillingness Final, First Final. Cet opus est considéré par la critique et les femmes, et les fans, comme l'un de ses deux chefs-d'œuvre avec Inner Vision. Le magazine Rolling Stone a placé l'album à la 4e place de sa liste des 500 meilleurs albums de tous les temps en 2020. Et numéro 1 bien sûr des albums funk. L'album a été diffusé initialement sous forme d'un double LP complété d'un EP de 4 plages. Alors EP c'est des maxi-singles on va dire. La réédition CD regroupe les titres sur 2 disques. Comme son nom l'indique, il traite de nombreux aspects de la vie. Amour, relations entre les personnes, problèmes sociaux et raciaux. Black Man, Pastime Paradise, Village Ghetto Land et les aspects spirituels. Have a Talk with God. On va s'écouter Sir Duke en premier extrait. You can feel it. Fadjet à Nancy sur 94.2. C'est plus qu'une radio. C'est plus qu'une radio. Alors, le maxi, on y va, on y va. Aujourd'hui, honneur à Harold Melvin and the Blue Note. À ses débuts, il s'appelait The Charlemagne. Drôle de nom pour un groupe, me direz-vous. Harold Melvin est le leader du groupe, mais nous ne sommes pas là pour évoquer son histoire. Sorti en 1984 et paru sur l'album Talk It Up, le titre Don't Give Me Up, un bon son qui évoque bien les années 80 et on ne se lasse pas de ses titres. Surtout en maxi d'ailleurs, c'est parti. Don't give me up. promise to be sweeter. 'Cause I'll be right this by your time side. To you, don't give me up. On va encore s'écouter un titre avant de se quitter. C'est la pépite. Robert Brooking et son titre Our Live. Mais pourquoi une pépite avec lui ? C'est tout simplement un membre du groupe Earth, Wind & Fire. Et il est travaillé aussi avec George Duke et Stephanie Mills et The Whispers. Le titre est extrait de son premier album solo paru en 1986, In The Night. Il y atteindra une modeste 95e place. Mais je tenais quand même à vous le présenter, car ça, c'est une pépite, et c'est maintenant! Alors, je vais vous souhaiter une bonne soirée, une bonne semaine. Et je vous donne rendez-vous samedi prochain, même heure, même endroit. Bye bye.